Mais non, mais laisse tomber ta batterie là, Franck. C'est le deuxième mouvement, je ne comprends pas le deuxième mouvement, je ne comprends pas le deuxième mouvement. Mais ça arrive. Et toi, tu rigoles, mais ça arrive. Thank you. soir, j'étais dans un autre quartier. Ah ouais, ça oui, par contre. De lune. Allez, viens. Fais-moi groover. Je voulais marcher. Une dernière, viens. Pour faire rêver. Je veux que tu m'aimes avec les dents. Bientôt, dans mes dents, bientôt, je serre à la main, je secoue. présent, les étoiles de Mars. Et d'écran, on a Mars. Thank you. Thank you Darwin, thank you Network, thank you all musicians.